الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc nous continuons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, la série intitulée « Les étapes de l'au-delà ». L'on entame aujourd'hui, incha'Allah ta'ala, une nouvelle étape qui est l'étape du jugement, al-hisab. Après avoir été libéré de l'interminable attente, une attente mêlée à la fois à l'angoisse et à l'effroi, les gens qui seront sur la terre du rassemblement, après l'intercession du prophète alayhi salatu wassalam auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin qu'il puisse juger entre ses serviteurs, vient le moment de rendre compte de ses actes. Et nous devons avoir à l'esprit et s'imaginer cette situation dans laquelle nous devrons rendre compte de tous nos faits et gestes, minime soit-il, rendre compte de toutes nos paroles, minime soit-elle, devant Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes. Et cette situation, Allah subhanahu wa ta'ala nous en parle dans son noble livre, lorsqu'il dit Azza wa Jal, « وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. La terre, ce jour-là, resplendira de la lumière de son Seigneur. Chacun recevra le livre, le registre de ses œuvres, et on fera venir les prophètes et témoins. C'est-à-dire, les témoins, certains savants ont dit ici, dans ce verset, qu'il s'agit des anges, les scribes, ceux qui notent et qui ont pour fonction d'enregistrer tous nos faits, nos gestes et nos paroles. Et d'autres savants ont dit qu'il s'agit de membres de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui viendront le jour du jugement en tant que témoins. Et l'on verra, inshallah ta'ala, par la suite, un chapitre qui sera consacré au témoignage justement le jour du jugement. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit également, en parlant de ceux qui ne croient pas en lui subhanahu wa ta'ala, « هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ » Qu'attendent-ils, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas cru en Allah, sinon qu'Allah vienne à eux le jour de la résurrection, accompagnés par les ténèbres immenses des nuages, ainsi que les anges, et que leur sort soit réglé. Et c'est à Allah seul que toute chose est ramenée. La façon par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala viendra le jour du jugement n'est connue que de lui. Nous attestons qu'Allah subhanahu wa ta'ala viendra le jour du jugement, afin de juger entre ses serviteurs. Quant à la façon, le comment, nous croyons que cela est conforme, qu'Allah subhanahu wa ta'ala viendra conformément à sa majesté subhanahu wa ta'ala, et que la terre resplendira de par la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que les anges viendront avec les registres des actions dans lesquels sont inscrits les paroles, les actes de chaque être humain, afin que ceci soit une preuve pour eux ou alors une preuve contre eux. Les anges viendront le jour du jugement rang par rang, comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, « وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا » Et ton Seigneur viendra, ainsi que les anges, rang par rang. ils viendront de cette façon en guise de respect envers Allah subhanahu wa ta'ala, par peur d'Allah subhanahu wa ta'ala et par respect pour sa majesté et sa toute-puissance subhanahu wa ta'ala. Imaginons cette situation. Imaginons-nous dans cette terre du rassemblement, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala viendra afin de juger, afin de nous demander des comptes, afin de rendre compte de nos actions. Il viendra accompagné des anges qui auront en leur possession le registre des actions. Comment serons-nous ce jour-là? Comment sera notre état d'esprit? À quel point sera notre inquiétude et notre peur? Et chacun sait ce qu'il aura accompli dans cette vie d'ici-bas. Et chacun sait qu'il ne trouvera le jour du jugement aucune échappatoire au jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal dit: وَوُضِعَ الْكِتَابِ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. On déposera le registre, c'est-à-dire le registre dans lequel sont enregistrés et consigner les actes et les paroles, on déposera le registre de chacun dans sa main. Puis Allah Azza wa Jal dit, dans le sens, tu verras alors les criminels effrayés par son contenu, par le contenu de ces registres. Et ils diront, malheur à nous, qu'a donc ce livre à n'omettre aucun péché, mineur ou majeur, sans le mentionner. Ajoutez à cela que les prophètes alayhimus salatu wassalam et les envoyés d'Allah azza wa jal seront questionnés et témoigneront auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala ce jour-là. Ils seront questionnés sur le dépôt qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a confié, le message qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a demandé de transmettre. L'ont-ils transmis comme il se doit? Et ceci sera une preuve en plus de ce qui est consigné dans le registre de nos paroles, une preuve en plus contre nous, car tous les prophètes et envoyés d'Allah alayhimus salatu wassalam témoigneront qu'ils auront transmis le message de la meilleure des façons. Ce jour-là, de la même façon que les anges viendront rang par rang, il sera de même pour les êtres humains. Ils viendront et seront présentés devant Allah subhanahu wa ta'ala, alignés en rang. Comme il le dit subhanahu, وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفَّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقَنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّا نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا. Il dit subhanahu, dans le sens, ils seront présentés en rang devant ton Seigneur, et on leur dira, par Allah, vous voilà venus à nous. Vous voilà venus à nous tel que nous vous avons créé la première fois. Pourtant, vous prétendiez que nous ne fixerions pas de rendez-vous. Ce jour-là sera un jour extrêmement pénible. Il sera extrêmement dur de supporter le jour du jugement, et en particulier le moment où Allah subhanahu wa ta'ala viendra pour juger entre ses serviteurs. Ce sera un moment tellement difficile que les communautés seront présentées ce jour-là agenouillées. Lorsque les gens seront appelés pour être jugés, ils viendront agenouillés, comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala. وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. On verra chaque communauté agenouillée. Chaque communauté sera appelée à son livre. Vous en serez rétribués en ce jour pour ce que vous faisiez. Les gens seront agenouillés car ce sera extrêmement difficile pour eux. Comme une personne debout qui, parce qu'il ne peut supporter une situation, tombe à genoux et pose ses genoux au sol, effrayé, tourmenté et redoute la finalité du jugement qu'il subira. Et chaque communauté sera appelée à son livre. C'est-à-dire que les gens et chaque communauté, le jour du jugement, sera appelée à, et des comptes lui seront demandés concernant la législation avec laquelle est venu le prophète qui les a appelés à Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'autres savants ont dit qu'ils seront appelés à leur livre, c'est-à-dire au registre qui consigne leurs faits et gestes et leurs paroles. Quant au jugement, que signifie le jugement, al-hisab? Al-hisab, le jugement, signifie le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala montre à ses serviteurs les actions qu'ils ont commises dans cette vie d'ici-bas. Et l'on verra par la suite ce que signifie exactement le jugement, quelles sont ses différentes formes. Et le jugement est un fait inéluctable. Cela fait partie de la croyance au jour du jugement. Le jugement est une étape cruciale, fondamentale, au point qu'Allah subhanahu wa ta'ala est nommé le jour du jugement comme Yawm al-Hisab, comme le jour du jugement. Et c'est d'ailleurs l'adjectif que l'on utilise, ou le terme que l'on utilise pour justement parler de ce jour. On dit le jour de la résurrection, le jour du rassemblement, le jour du jugement. Mais nul doute que le terme le plus utilisé est le terme jugement. Et ce qui qualifie et caractérise le plus ce jour, c'est le jugement, d'où son nom, ou d'où l'un de ses noms, si ce n'est le nom le plus important, à savoir le jour du jugement. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Inna ilayna iyabahum, thumma inna alayna hisabahum. » C'est vers nous seuls qu'ils reviendront, et ce sera alors à nous seuls de leur demander des comptes. Le jugement est également établi dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans de nombreux hadiths, notamment le hadith de Aïcha radiyallahu ta'ala anha, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Laysa ahadun yuhasabu illa halak. » Quiconque est jugé connaîtra la perdition. Quiconque est jugé connaîtra la perdition. Aïcha radiyallahu ta'ala anha a dit « Qultu ya Rasulallah, ja'alani Allahu fida'ak, ja'alani Allahu fida'ak, alaysa yaqulu Allahu azza wa jal, fa'amma man utiya kitabahu biyaminih, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. » Lorsque Aïcha a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire « Quiconque sera jugé connaîtra la perdition », elle a dit « Ô envoyé d'Allah, je me sacrifierai pour toi. Allah n'a-t-il pas dit « Fa'amma man utiya kitabahu biyamini, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. » Celui à qui on remettra le registre de ses œuvres dans la main droite sera soumis à un jugement facile et retournera heureux vers les siens, c'est-à-dire au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu « ذاك العرض يعرضون ومن نوقش الحساب هلك » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il s'agit de la présentation. Quant à celui pour qui le compte fera objet d'un débat, il périra. » Et l'on verra par la suite le détail de cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a deux types de jugements. Il y a le jugement facile et il y a le jugement difficile. Le jugement facile qui sera accordé aux croyants et ce qu'a appelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam al-ard, la présentation. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala dira à son serviteur, « Tu as fait telle et telle chose, tel et tel jour. » Il citera les actions et les œuvres de son serviteur, bonnes comme mauvaises. Puis comme cela est rapporté dans d'autres hadiths, puis Allah Azza wa Jal lui dira, « Satartuha alayka fi dunya, wa ana aghfiruha laka al-yawm. » Ces péchés, je les ai cachés et j'ai fait en sorte qu'ils ne soient pas dévoilés dans cette vie d'ici-bas et je te les pardonne aujourd'hui. Ceci est le jugement facile que connaîtront les croyants, les pieux, qui recevront leur livre de leur main droite. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Aïcha, « Wa man nuqisha al-hisab halak. » Quant à celui avec qui Allah subhanahu wa ta'ala débattra, celui dont le cas fera l'objet d'un débat, il connaîtra la perdition. Wal'iyadhu billah. Et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il connaîtra la perdition, c'est-à-dire qu'il ira en enfer. Wal'iyadhu billah. Car personne n'entre au paradis de par ses actions. Mais celui qui entre au paradis y entrera par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'on verra, inshallah ta'ala, par la suite, le détail de ces deux formes de jugement, le jugement facile et difficile. Et l'on citera, inshallah ta'ala, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapportés à ce sujet. Le jugement est donc établi dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et à l'unanimité des savants, à l'unanimité de la communauté musulmane. Personne ne renie le jugement. Et la seule exception sont les 70 000 personnes dont nous a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'ils rentreront au paradis sans jugement ni châtiment. Et dans certaines versions du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'avec chaque 70 000, il y aura 70 000 autres. Le jugement concerne les êtres humains, mais il concerne également les djinns. Certains pourraient se poser la question, est-ce que les djinns seront également jugés? La réponse est oui, ils seront jugés le jour du jugement, car ils sont responsables. Celui qui n'aura pas cru en Allah subhanahu wa ta'ala parmi eux, sa destinée sera l'enfer. Comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate Al-A'raf, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. Nous avons créé pour la Jahannam nombre de djinns et d'hommes. Et il dit subhanahu wa ta'ala dans un autre verset de la même sourate, sourate Al-A'raf, قَالَ دَخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فِي النَّارِ. Allah leur dira, entrez en enfer avec vos semblables des communautés de djinns et d'hommes qui vous ont précédés. De la même façon, les croyants parmi les djinns entreront au paradis. Et la preuve est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ. En parlant des femmes du paradis, Allah subhanahu wa ta'ala nous cite dans Surat al-Rahman, ils y trouveront des femmes au regard chaste qu'aucun homme ou djinn n'aura effleuré avant eux. Et dans Surat al-Rahman également, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ Jannatan. Et pour celui qui aura craint de comparaître devant son Seigneur, il y aura deux jardins. Il y aura, c'est-à-dire au paradis, deux jardins. Et pour celui qui aura craint de comparaître devant Allah, ceci englobe à la fois les djinns et les hommes. Parmi les particularités du jugement qui aura lieu le jour de la résurrection, c'est que chaque être humain aura une rencontre personnalisée dans laquelle il sera seul devant Allah subhanahu wa ta'ala sans aucun intermédiaire. La preuve est le hadith de Adi ibn Hatim radiyallahu anhu qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allah » Allah s'adressera à chacun d'entre vous. « Laysa baynahu wa baynahu turjuman » sans qu'aucun interprète ne vienne s'interposer entre lui et Allah. « Fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam » Celui qui sera devant Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y aura entre lui et Allah aucun intermédiaire. Allah subhanahu wa ta'ala s'adressera directement à lui. Cette personne regardera à sa droite et ne verra que ce qu'elle a apporté comme œuvre. Puis elle regardera à sa gauche. وَيَنْظُرُ أَشْمَأَ مِنْهِ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمْ Il regardera à sa gauche et ne verra que ce qu'il a apporté comme œuvre. وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ Puis il regardera devant lui et ne verra que l'enfer présente devant ses yeux. فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire « Préservez-vous de l'enfer, ne serait-ce qu'avec la moitié d'une date. » C'est-à-dire ne serait-ce qu'en donnant en aumône une chose aussi insignifiante soit-elle, ne serait-ce que la moitié d'une date. C'est un rendez-vous qui est donné à chacun. C'est une convocation que chacun reçoit de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chacun de nous, hommes et femmes, grands et petits, avons un rendez-vous dans lequel nous serons seuls devant notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Imaginons un instant cette situation, ce moment particulier, lorsque l'on est convoqué par des personnes importantes ou lorsque l'on a un rendez-vous avec des personnes importantes, cela nous amène à préparer ce rendez-vous. Cela nous amène à avoir, à ressentir un certain stress quant à ce rendez-vous et à son déroulé. Quant à ce rendez-vous avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un rendez-vous dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous demandera des comptes sur ce que nous aurons accompli dans cette vie d'ici-bas. Et c'est un rendez-vous qui est confirmé. Il n'y a aucun doute dessus. C'est donc un rendez-vous que nous devons préparer. Et c'est un rendez-vous que personne ne pourra éviter, que personne ne pourra esquiver, dont personne ne pourra s'excuser de ne pas pouvoir s'y rendre. Dans ce hadith, il y a tout d'abord le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à nous. Il s'adressera à chacun d'entre nous. Subhanahu wa ta'ala. Et il s'adressera à chacune et chacun d'entre nous de façon personnalisée, chacun à son tour, sans intermédiaire, sans avocat ou autre personne qui pourrait témoigner ou nous aider dans cet entretien. Et durant ce rendez-vous, la personne verra à sa droite ce qu'elle a accompli comme œuvre. Elle verra à sa gauche ce qu'elle a accompli comme œuvre et aura devant elle l'enfer wal iyadu billah. Et les savants ont donné deux explications sur pourquoi la personne regardera à sa droite et à sa gauche. Certains savants ont dit que l'on regardera à notre droite et à notre gauche car nous serons dépassés par cette situation. Et nous chercherons à droite et à gauche afin de demander une aide. D'autres savants ont dit que la raison de cette recherche et de le fait de regarder à droite et à gauche, c'est-à-dire dans le but de chercher une échappatoire, afin d'être préservé de l'enfer. Et dans une version de l'Bukhari, dans son Sahih, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Il regardera à sa droite et ne verra que l'enfer ». Et il regardera à sa gauche et ne verra que l'enfer. et il regardera devant lui et ne verra que l'enfer. Ce jour-là, il n'y aura aucune échappatoire. Personne ne pourra se sauver. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat al-Rahman, « Ya ma'ashar al-jinn wal-ins, in istata'tum an tanfudhu min aqtar al-samawati wal-ardi fanfudhu, la tanfudhuna illa bisultan. » Ô peuple des djinns et des hommes, si vous pouvez franchir les limites des cieux et de la terre, alors faites-le, mais vous ne pourrez les franchir. Mais vous ne pourrez les franchir que si vous êtes doué d'un pouvoir que vous ne possédez pas. Un pouvoir que seul Allah subhanahu wa ta'ala possède. Et ce verset de Surat al-Rahman, Allah Azza wa Jal l'a dit dans le contexte du jour du jugement. Preuve en est le verset qu'il y a juste avant, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Sanafrughu lakum ayyuha thaqalan » Allah Azza wa Jal dit « Sanafrughu lakum ayyuha thaqalan » Au jour de la résurrection, nous nous occuperons de vous. Allahu Akbar. Nous nous occuperons de vous, ayyuha thaqalan, ô vous les djinns et les hommes. Allah Azza wa Jal s'occupera de nous, il s'occupera même de chacun d'entre nous. Puis vient ce verset où Allah Azza wa Jal dit, ô peuple des djinns et des hommes, si vous pouvez franchir les limites des cieux et de la terre, alors faites-le, mais vous ne pourrez les franchir que si vous êtes doué d'un pouvoir, c'est-à-dire que vous ne possédez pas. Donc le jour du jugement, personne ne pourra fuir. Personne ne pourra fuir. Et dans ce hadith, il y a également la preuve que l'enfer sera proche de nous le jour du jugement. Il sera proche, l'on pourra le voir, et ceci ajoute la frayeur à l'angoisse. Et cela ajoute la déstabilisation à l'effroi. Le jour du jugement, il y aura des sujets qui feront l'objet de questionnements. Le jour de la résurrection, nous serons questionnés sur chaque chose que nous aurons accomplie dans cette vie d'ici-bas. Grande soit-elle ou petite, nous serons questionnés sur tout ce que nous avons fait. Allah Azza wa Jal dit وَلَا تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Il vous sera demandé compte de tout ce que vous faisiez. Et dans l'autre verset, Allah Azza wa Jal dit فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ Par ton Seigneur, nous les interrogerons tous sur leurs agissements. Mais il y a certaines œuvres et certains actes dont Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ont informés qu'ils feront l'objet de questionnements. Et ceci afin que nous donnions à ces actes une attention particulière dans cette vie d'ici-bas. Parmi les choses sur lesquelles la personne sera questionnée, il y a le polythéisme et la mécréance. Allah subhanahu wa ta'ala dit ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين Puis au jour de la résurrection, il les couvrira d'humiliation et leur dira où sont les associés que vous m'attribuiez et pour lesquels vous combattiez les prophètes et les croyants. Ceux qui auront reçu la science diront l'humiliation et le mal. L'humiliation et le mal cernent aujourd'hui ceux qui n'ont pas cru en Allah. La personne sera également questionnée sur les mensonges au sujet des anges. Comme l'a dit Allah Azza wa Jal en parlant des polythéistes, وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ ستكتب شهادتهم ويسألون. Ils ont fait, c'est-à-dire les polythéistes, ils ont fait des anges qui sont les serviteurs du tout miséricordieux, ils en ont fait des êtres féminins. Puis Allah Azza wa Jal leur pose la question, ont-ils été témoins de leur création, c'est-à-dire de la création des anges? Ces polythéistes étaient-ils présents lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé les anges au point d'attester que ce sont des êtres féminins? Leur témoignage est consigné et ils auront à en répondre. Également, la personne aura à répondre de ses engagements et de ses serments. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا » Respectez vos engagements, car vous aurez à en répondre. Et il dit Azza wa Jal dans Sourate Al-Ahzab, en parlant des hypocrites, وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُ اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارُ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا. Ils avaient pris envers Allah l'engagement de ne pas fuir, c'est-à-dire le combat. Il sera demandé compte de tout engagement pris envers Allah. Respecter les engagements, respecter les promesses, fait partie des comportements du musulman. Et il sera questionné sur ses engagements. Les a-t-il respectés ou alors les a-t-il délaissés et trahis? Parmi les actes également dans lesquels nous serons questionnés, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous serons questionnés sur nos familles et sur nos enfants. Comme l'a dit le prophète alayhi salatu wa sallam, كلكم راع ومسؤول عن رعيته فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها. Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous êtes tous des bergers et responsables de vos troupeaux. Le gouverneur est un berger et il est responsable de son troupeau. L'homme est au sein de sa famille un berger et il est responsable de son troupeau. La femme est dans la maison de son mari une bergère et elle est responsable de son troupeau. Un berger, un responsable, c'est une personne qui est garante et protectrice. Elle est garante des droits de ceux qui sont sous sa responsabilité et elle protège ceux qui sont sous sa responsabilité des menaces ou des maux qui peuvent les atteindre. Et celui qui a une responsabilité, quelle que soit celle-ci, il doit faire preuve de responsabilité, il doit faire preuve de justice, il doit faire preuve d'honnêteté, il doit faire preuve d'équité à l'égard de ceux qui sont sous sa responsabilité, que ce soit des employés, que ce soit des élèves, que ce soit ses enfants, que ce soit sa femme, les membres de sa famille, ses amis, etc. etc. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne plus de détails sur cette responsabilité et la façon par laquelle nous serons jugés la concernant. Il dit alayhi salatu wassalam, Inna Allah sa'ilun kulla ra'in amma star'ah, hafidha am dayyah, hatta yus'ala ar-rajulu an ahli baytih. Allah demandera à chaque responsable au sujet de ce qu'il avait sous sa responsabilité. L'a-t-il préservé ou délaissé jusqu'à ce que l'homme soit questionné au sujet de sa famille? L'homme est donc responsable. Le père de famille est responsable de sa femme et il est responsable de ses enfants, garçons et filles. Il est garant de leurs droits. Il est garant du fait qu'ils accomplissent leurs devoirs et qu'ils s'abstiennent des interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il les protège contre tout ce qui pourrait leur nuire, de la même façon qu'un berger protège son troupeau de tout ce qui pourrait le nuire, de la même façon qu'un berger prend soin de son troupeau afin qu'il soit de meilleure qualité. Parmi les actes également sur lesquels nous serons questionnés, il y a notre temps de vie, nos biens, notre savoir et notre jeunesse. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith d'Abu Barzat al-Aslami radiyallahu anhu, qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La tazoulu qadama abdin yawma al-qiyamati hatta yus'ala an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'al wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqah wa an jismihi fima ablah. » Le serviteur ne quittera le jour dernier qu'après avoir été questionné sur son temps de vie. Comment l'a-t-il passé? Sur sa science, qu'en a-t-il fait? Sur ses biens, d'où, comment se les est-il procurés et dans quoi les a-t-il dépensés? Et sur son corps, sur sa santé, comment il l'a utilisé? Parmi les choses sur lesquelles nous serons questionnés également le jour du jugement, les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala dont nous jouissons dans cette vie d'ici-bas. Comme l'a dit Allah Azza wa Jal, « Thumma latus'alunna yawma'idhin anin na'im » Puis en ce jour, on vous demandera compte des bienfaits qui vous ont été accordés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti un jour, à l'heure du dhuhr, accompagné d'Abu Bakr et de Omar radiyallahu anhuma. Ils sont sortis car ils avaient faim. Sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhuma. Les trois meilleures personnes de cette communauté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr et Omar radiyallahu anhuma, qui sortent de chez eux à cause de la faim. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a vus, il leur a dit « Ma akhrajakuma » Qu'est-ce qui vous a fait sortir de chez vous sous cette chaleur? Ils ont répondu « Akhrajana al-jou' » C'est la faim qui nous a fait sortir, ô envoyé d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu « Akhrajani alladhi akhrajakuma » Ce qui vous a fait sortir m'a fait sortir moi aussi. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a proposé d'aller chez l'un des Ansar, qui est Abu al-Haytham ibn Tihan, radiyallahu anha. Ils sont partis chez lui et ont trouvé son épouse. Lorsqu'elle a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a dit « Bienvenue à l'envoyé d'Allah ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé « Où est ton mari ?» Elle a répondu qu'il est parti chercher de l'eau fraîche. Puis voilà ce compagnon radiyallahu anhu devant le prophète alayhi salatu wassalam. Lorsqu'il a vu le prophète alayhi salatu wassalam ainsi qu'Abu Bakr et Omar radiyallahu anhuma, il a dit « Il n'y a personne aujourd'hui qui a des invités plus nobles que les miens. » Puis il est parti leur amener des branches de palmier dans lesquelles étaient accrochées des dattes à peine mûres. Puis leur a apporté des dattes sèches et des dattes mûres, radiyallahu ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit alors « Iyaka wal haloub »« Iyaka wal haloub » c'est-à-dire « N'égorge pas la brebis laitière » car ce compagnon radiyallahu anhu, après avoir servi les dattes au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à ses deux compagnons, il avait un couteau à sa main et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a compris que ce compagnon allait sacrifier une bête afin d'en nourrir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « N'égorge pas la brebis laitière » car ce compagnon en avait besoin et la brebis laitière a plus de valeur et est plus profitable que celle qui n'est pas laitière. Il a sacrifié cette brebis et a nourri le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses deux compagnons. Puis, Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir été rassasié lui et ses compagnons radiallahu anhuma, a dit, en s'adressant à Abu Bakr et à Omar radiallahu anhuma, والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. Par celui qui détient mon âme dans sa main, vous serez questionnés sur ce bienfait le jour du jugement. أخرجكم من بيوتكم الجوع. La faim vous a fait sortir de vos demeures. ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. Puis vous retournez à celle-ci, à vos demeures, après avoir bénéficié de ce bienfait. Ainsi nous serons questionnés sur chacun de nos bienfaits, sur chacun des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala dont nous jouissons. Et chaque bienfait doit être suivi de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. En parlant de ce bienfait, en utilisant ce bienfait dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala ou dans une chose licite, de donner le droit dans ce bienfait, que ce soit le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala ou le droit des gens, notamment concernant nos biens et la zakat, afin de bénéficier de la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car celui qui n'est pas reconnaissant envers les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala ne peut être qu'ingrat. Soit tu es reconnaissant envers les bienfaits d'Allah azza wa jal sur toi, soit tu es ingrat. Et Allah subhanahu wa ta'ala aime, comme il le dit sallallahu alayhi wa sallam, inna Allah la yarda 'anil 'abdi أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. Allah agrée son serviteur et aime de son serviteur lorsqu'il mange d'être reconnaissant envers son Seigneur et lorsqu'il boit d'être reconnaissant envers son Seigneur. Donc les bienfaits d'Allah Azza wa Jal, nous devons les utiliser dans son obéissance ou dans des choses licites, jamais dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Car utiliser les bienfaits d'Allah azza wa jal dans sa désobéissance fait partie de l'ingratitude. Et nous serons questionnés sur chacun des bienfaits qui sont innombrables. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Si vous mettiez à dénombrer les bienfaits d'Allah sur vous, vous n'y parviendrez pas. Les bienfaits d'Allah Azza wa Jal sont innombrables et nous serons questionnés sur ces bienfaits. On s'arrête ici pour aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, et l'on continuera la semaine prochaine par la volonté d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, le sujet du jugement, de ces différentes formes et des règles qui régissent le jugement le jour de la résurrection. Barakallahu fikum wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.